Cours numéro 23. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam, ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Qala al-imam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam la tazalu jahannamu yulqa fiha wa hiya taqul hal min mazid hatta yadha'u rabbul izzati fiha rijlahu wa fi riwaya alayha qadama فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط متفق عليه. On est toujours dans l'étude des hadith que Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala il a cité fi Al-Wasitiyya, et on est arrivé à hadha al-hadith al-muttafaq ala suhhatihi, l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim ils l'ont rapporté dans leur sahih. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وهذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات تثبت لله حقا على الوجه اللائق بعظمته أي صفة القدم والرجل أي أن الله سبحانه وتعالى له صفة الرجل الرجل c'est le pied أي القدم c'est بمعنى الرجل en arabe. Le pied, on dit al-qadam ou al-rijl. Donc, ces deux attributs qui sont cités dans hadha al-hadith, al-rijl dans le premier, dans une autre riwaya al-qadam, c'est le même sens. Wa hadhihi as-sifa kama qala al-shaykh Sa'di rahimahullah, tajri majra baqiyat as-sifa. Il n'y a aucune différence dans le fait d'attribuer hadhihi as-sifa avec les autres sifa. Pourquoi ? Parce qu'on a un dalil sahih. Ou al-qa'il, c'est al-rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Fa-akhbara anna Allah subhanahu wa ta'ala yada'a rijla, et dans l'autre riwaya qadama. Donc, on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a cet attribut. Qala, wa dhalika anna Allah wa'ada an-nar mal'aha. كما قال لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الله سبحانه وتعالى il a promis ووعده حق أنه يغمبلغ النار جهنم l'enfer من الجنة والناس أي de djinn et d'être humain. قال الشيخ سعدي رحمه الله فلما كان من مقتضى رحمته أن لا يعذب أحدا بغير جرم وكانت النار في غاية القعر. قعر النار c'est le fond. Vu que جهنم النار l'enfer, cette demeure elle est très très vaste et elle est très très profonde, elle se remplira pas. قال عز وجل لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Allah سبحانه وتعالى il a promis de la remplir. عز وجل. ويوم القيامة il y aura encore de la place في النار. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تزال جهنم يلقى. Et dans notre nusra, il y a un mot en plus. كأنه خطيه أو ينظر هذه الكلمة. Elle n'est pas dans les autres versions de l'Wasitiyya, dans les autres shuruh, et elle n'est pas citée dans le hadith. C'est pour ça qu'on ne l'a pas lu au départ. قال تقول أي النار هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجلة أي النار elle demandera هل من مزيد أي rajouter encore des personnes. Et vu que comme قال الشيخ سعدي رحمه الله, si on revient à son kalam الآن pour que ça soit clair, فلما كان من مقتضى رحمته أن لا يعذب أحدا بغير جرم. Allah سبحانه وتعالى il est juste حكم عدل Subhana. Et il ne châtiera personne sans dhimb. Et vu qu'il y aura encore de la place, et An-Nar, Jahannam, elle demandera, elle mazid, que Allah subhanahu wa ta'ala, il ajoute des personnes et des djinns. Wa kanat An-Nar fi ghayat al-qa'r wa-s-sa'a. Haqqaqa wa'dahu ta'ala wa wada'a 'alayha qadamah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis de la remplir, vu qu'il y aura encore de la place, Allah subhanahu wa ta'ala, yadha 'alayha qatamah, ay son pied, subhanahu wa ta'ala. Fatatalaqa tarafaha, ولم يبق فيها فضل عن أهلها. C'est pour ça que في الحديث قال عليه الصلاة والسلام فينزوي بعضها إلى بعض. Et elle se pliera sur elle-même quand Allah subhanahu wa ta'ala il posera son pied sur un nar. Qala wa taqul qat qat qat ay yakfi. Aïe, ça suffit, ça suffit. Donc, هذا الحديث il est sahih. واستفدنا منه إثبات صفة الرجل والقدم. قال رحمه الله ولم يبق فيها فضل عن أهلها. Après ce moment, il n'y aura plus de place في النار. قال وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وسعته وسعته نعم فيها فضل كان هو سعته فينشئ الله لها خلقا آخر كما ثبت ذلك في الحديث فيقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بالصوت إن الله إلى آخره. هذا لا دوزيام بارتي دو متن. على كل حال أن هذا من فضل الله عز وجل. الجنة كذلك elle est واسعه, elle est عظيمه, elle est كبيره. Et vu qu'il y aura encore de la place في الجنة, فالله سبحانه وتعالى il créera des créatures pour les faire rentrer في الجنة alors qu'ils n'ont pas œuvré في الدنيا. Et ça c'est من فضل الله عز وجل. Vous avez remarqué la différence entre le الجنة والنار. أما كواحد il se fait châtier alors qu'il n'a rien fait, هذا ça contredit العدل. Et c'est un attribut imparfait. Allah سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ذلك. C'est pour ça que il ne créera pas des créatures pour les châtier. Là, bel yadh'a rijlahu, il mettra son pied azza wa jal et an-nar elle se repliera sur elle-même et alhamdulillah. Amma al-janna, vu qu'il y aura encore de la place, fa Allah subhanahu wa ta'ala il créera ces créatures pour les faire rentrer fil janna. Est-ce que ceux qui sont fil janna, ils ont subi une injustice? Abadan. Eux ils sont fil janna. Ils auront ce qu'ils veulent. Et ces créatures qui seront créées et qui rentreront au fil Jannah, ça n'enlèvera rien à la récompense de ceux qui sont déjà dedans. Fa hadha c'est min fadlillah. Ceux qui sont fil nar kadhalik, ils n'ont subi aucune injustice. Fa li hadha ils sont rentrés fil nar. Donc, hadha al-hadith istafadna fihi aw minhu qawl ahl as-sunnah anna Allah subhanahu wa ta'ala lahu sifatu ar-rijl wal-qadam. Qala Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah fi sharhihi al-mufid قوله لا تزال جهنم يلقى فيها هذا يوم القيامة. نعم هذا لو جور دو جوجمون. يعني يلقى فيها الناس والحجارة لأن الله تعالى يقول فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وقد يقال يلقى فيها الناس فقط وأن الحجارة لم تزل موجودة فيها والعلم عند الله. نعم على كل حال ce qui nous intéresse هنا c'est قوله ولا تزال جهنم يلقى فيها يلقى فيها و dans l'autre verset من سورة الملك قوله عز وجل كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. الإلقاء c'est le fait de jeter. فتأملوا هذا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا دليل على أن أهلها والعياذ بالله يلقون فيها إلقاء لا يدخلون مكرمين. Ils seront jetés en enfer. عياذا بالله. Contrairement aux mu'minoun qui rentreront في الجنة بسلام وتحيتهم سلام et ils seront accueillis par السلام et les portes elles s'ouvriront et ils rentreront بهدوء وسكينة avec calme et apaisement ولله الحمد. أما أهل النار فيلقون فيها إلقاء. Ils seront jetés عياذا بالله في النار. Et al-kuffar qui seront jetés via هذه النار, ils sortiront plus jamais. فلهذا قال عز وجل فاتقوا النار. Et craignez النار. On doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et كذلك لابد أن نتقي هذه النار. نتقي النار. Et on doit mettre une chose entre nous et ce châtiment. Qui nous préserve de ce châtiment. C'est quoi cette chose? C'est at-ta'a, c'est l'obéissance. C'est at-taqwa, c'est at-tawhid. Al-muwahid. Il ne rentrera pas dans le nord. Et même si certains, من المؤمنين, من الموحدين, et ceux qui ont adoré Allah seul, même s'ils rentrent dans le nord, ça ne sera qu'une étape. Ça ne sera pas pour toujours. فأعظم وقاية, La chose qui préserve le plus d'un nar, بعد رحمة الله عز وجل, c'est de faire les causes, et la plus grande cause, c'est d'appliquer التوحيد. قال عز وجل, فاتقوا النار, et craignez النار, faites attention au feu, التي وقودها الناس والحجارة. الوقود, c'est ce qui entretient la flamme, le feu, traduit par le combustible. Fi dunya, tu as besoin d'un combustible pour le feu, pour l'allumer, pour l'entretenir. Du charbon, du bois, du papier. Hatta, le feu ne s'éteint pas. Et quand il s'éteint, tu dois rajouter. Kadalik, de l'essence ou autre. Fa finnar, al-wukud, les combustibles, ça sera annas ou al-hijar. Les pierres et كذلك les êtres humains. Ayyadan billah. هذا تنبيه par rapport à قوله عليه الصلاة والسلام ولا تزال جهنم يلقى فيها. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وخالف الأشاعرة وأهل التحريف في ذلك فقالوا يضع عليها رجله يعني طائفة من عباده مستحقين للدخول. انظروا التحريف يضع رجله. Ils ont expliqué Hada par un groupe de personnes qui méritent de rentrer fin nord. Al-Asha'ira, ils n'ont pas accepté hadhihi sifa. An Allah subhanahu wa ta'ala, il a cet attribut, al-rijl, al-qadam, le pied. Et ils ont rejeté Hada et ils ont fait du tahrif, ils ont déformé. Qala, kama fi hadith Abi Ayyub alayhi salatu salam, ou qabla Hada, wal-rijl ta'ti bi ma'na ta'ifa. Ils ont des choubah. Al-rijlo, en langue arabe, bien sûr, le sens qu'on connaît tous, c'est le pied. Et كذلك, تأتي هذه اللفظة بمعنى الطائفة, un groupe. En langue arabe, le mot رجل, il a été employé pour le mot groupe. أي طائفة من الناس, un groupe de personnes. C'est pour ça que هؤلاء الضلال, ils ont choisi ce sens qu'ils ont trouvé en langue arabe. لأن pour eux, الرجل, le pied, vu que l'être humain, il a des pieds. وهكذا, des animaux, ils ont des pieds. On appelle des pattes en français. لكن en arabe, كذلك, ils appellent رجل. À la kulli hal, ils ont dit là, vu que c'est présent fil makhlouq, on ne peut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a sifatu al-rijl, al-qadam. Et ils ont trouvé ce sens en langue arabe et ils ont hamalu al-hadith ala hadha al-ma'na. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, kama fi hadith Ayyub alayhi salatu wassalam, arsalallahu ilayhi rijl, arsalallahu ilayhi rijlun, أو رجل جراد من ذهب يعني طائفة من جراد أي un groupe. Et ça montre إنصاف أهل السنة أنهم ils connaissent et ils savent أن الرجل c'est بمعنى الطائفة le groupe dans certains cas. Et Cheikh Ibn Uthaymeen من إنصافه أنه il a cité un délil qui appuie ce معنى. لكن est-ce que ça veut dire que le pied qui est cité dans al-hadith, c'est bimana al-ta'ifa, le groupe. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, wa hadha tahrifun batil, lianna qawlahu alayha yamna thalik. Ça, c'est la première chose. Anna qawlahu alayhi salatu salam dans le hadith, hatta yadha rabbul izza fiha rijla, et dans l'autre riwaya, alayha qadama. Fa le fait de dire alayha, alayha, ay sur, ça montre que c'est pas bimana al-ta'ifa, c'est pas bimana le groupe. كذلك قال وايضا لا يمكن ان يضيف الله عز وجل اهل النار الى نفسه لان اضافه الشيء الى الله تكريم وتشريف. Et ça, c'est un rad qui est aqwa, qui est encore plus fort. Cette réfutation, elle est tayyiba. لأن الله عز وجل سيضع قدمه ورجله dans l'autre riwaya. Donc il y a une idafa. Il y a une idafa. Vous avez remarqué que رجل, il y a une idafa avec le ha. والقدم كذلك. Eux, ils ont dit c'est bien معنى الطائفة من الكفار أو من يستحق النار. L'idafa, quand Allah subhanahu wa ta'ala il fait une idafa à une chose, ou une idafa d'une chose, l'idafa c'est quoi? C'est quand on dit, mathalan, Baytullah, Masjidullah, Kitabullah, Abdullah. Cette idafa c'est min bab al-tashrif. Et Allah subhanahu wa ta'ala il fait cette idafa pour élever ce makhlouq. C'est pour ça qu'on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est Abdullah wa Rasuluh. Et c'est pour ça qu'on dit les mosquées, les masajid, on dit c'est Buyutullah. C'est les maisons d'Allah, Azza wa Jal. Pourquoi on fait cette idafa? Et on a lié cette chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager d'Allah, la maison d'Allah, le serviteur d'Allah, Naqatullah, Baytullah, et Al-Masjid al-Haram. Tout ça c'est une bab al-ta'zim, ou plutôt al-takrim ou al-tashri'. Amma ha'oula qui rentre vin nar, pourquoi cette idafa? Si on explique Rijl par ce groupe qui vont rentrer fin nar. Ah là c'est clair. Wa qalu fil qadam, ils ont trouvé ce sens fil Rijl dans la langue arabe bima'na at-ta'ifa, donc ils ont fait cette déformation hada at-tahrif. Amma al qadam qalu qadam bima'na muqaddam. Et ça vient du taqdim, le fait de devancer. أي يضع الله يضع يضع الله تعالى عليها مقدمة أي من يقدمهم إلى النار وهذا باطل أيضا فإن أهل النار لا يقدمهم الباري عز وجل ولكنهم يدعون إلى نار جهنم دعا نعم كما في سورة الطور ويلقون فيها إلقاء فهؤلاء المحرفون فروا من شيء ووقعوا في شر منه فروا من تنزيه الله عن القدم والرجل لكنهم وقعوا في السفه ومجانبة الحكمة في أفعال الله عز وجل نعم donc ils ont expliqué أن الرجل أو القدم dans la deuxième رواية c'est بمعنى المقدم et هذا c'est باطل تقدم معنى أن الكفار seront jetés في النار قالوا الحاصل أنه يجب علينا أن نؤمن بأن لله تعالى قدما وإن شئنا قلنا رجلا نعم On dit Qadam et Rijl. Les deux, il y a une riwaya et un hadith. C'est le même hadith, lakin dans une version Al-Qadam et dans l'autre Al-Rijl. Et les deux, c'est le même sens. Qal ala sabil al-haqiqa ma'adam al-mumathala. Daiman, walillahi l'hamd, aqidat ahl-sunna wal-jama'a, elle est claire. Allah subhanahu wa ta'ala, il a des mains, il a un visage. Kadhalik l'attribut du pied. Wa ghayri dhalik, et ça fait en aucun cas. Ça pousse à faire ressembler Allah à la créature. قال ولا نكيف الرجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن لله تعالى رجلا أو قدما ولم يخبرنا كيف هذا الرجل أو القدم. النبي صلى الله عليه وسلم nous a informé. Nous a informé أن الله سبحانه وتعالى يضع قدمه. Dans l'autre riwaya رجلا. Donc on accepte. أما الكيف. Comment il est ce pied فالله تعالى أعلم به. قال والفائدة المسلكية من هذا الحديث et qu'est-ce qu'on retire de هذا الحديث que Cheikh al-Islam il a cité رحمه الله هو الحذر الشديد من عمل أهل النار خشية أن يلقى الإنسان فيها كما يلقى غيره صحيح on n'est pas à l'abri tant qu'on est vivant on n'est pas à l'abri الأعمال بالخواتيم et personne ne sait sur quoi il va mourir est-ce qu'il va mourir sur l'Iman أم لا وإن الإنسان لا يعمل بعمل أهل النار أو أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار. Certaines personnes ils vont œuvrer comme les gens du paradis et juste avant de mourir ils vont faire une œuvre des gens de l'enfer et ils rentreront en enfer. تقدم معنا l'explication du hadith. أن هؤلاء ceux qui ont un problème dans l'intention, mais celui qui est sincère, qui aime Allah عز وجل, qui aime son prophète عليه الصلاة والسلام et qui fait des œuvres et qui fait des efforts même s'il faiblit Dans certains cas, dans certaines situations, il est à la khayr. Il doit faire des efforts. Mais on n'est pas à l'abri d'une mauvaise intention. On n'est pas à l'abri que notre cœur, iyadun billah, il bascule. On doit daiman demander à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat. Comme il a dit, afdalu an-nas alayhi salatu wa salam. Allahumma thabbit qalbi ala dinik, ala ta'atik. Ya muqallib al-qulub. يا مقلب القلوب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يديز يا مقلب القلوب لأن celui qui peut faire tourner ce cœur l'égarer سي الله سبحانه وتعالى. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. Tous les cœurs des êtres humains, ils sont entre deux doigts, parmi les doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous montre qu'Allah, il a des doigts. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat. Fal-hadar al-shadid min amali ahli al-nar. Walillahi alhamd, dans une kalima, dans notre série sur les étapes de l'au-delà, on a fait un cours sur Jahannam, sur Nar, sur l'enfer, et on avait détaillé beaucoup de preuves concernant cette demeure. Wa nas'alu Allah azza wa jalla an yujannibana 'amali ahli an-nar wa an yahfazana wa an yarhamana. Thumma qala rahimahullah fa yaqulu Allah ta'ala. On revient à kalam Cheikh Sa'di rahimahullah. Il a cité directement la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ya Adam, هذا c'est كلام شيخ الإسلام. Si on revient au matn, قال الإمام ابن تيمية رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم. يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. شيخ الإسلام رحمه الله il a cité هذا الحديث هنا pour argumenter أن الله عز وجل يتكلم. لبيك وسعديك فينادي بالصوت إن الله يأمرك. نعم فيقول نعم. Si on reprend le hadith depuis le début, نعم يقول الله تعالى يا آدم. نعم donc ne pas oublier cet ajout. حتى on sait que المتكلم c'est Allah سبحانه وتعالى. Donc c'est un attribut ou c'est un dalil qui montre que Allah subhanahu wa ta'ala il parle. فيقول الله عز وجل يا آدم فيقول أي آدم لبيك وسعديك فينادي بالصوت إن الله يأمرك فينادي بالصوت أي c'est Allah subhanahu wa ta'ala. إن الله أي c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit إن الله يأمرك. أما si tu lis et tu ne fais pas attention, tu as l'impression que Al-Mutakallim, ce n'est pas Allah Azza wa Jal. Al-Imam Ibn Uthaymin, rahimahullah, nabbaha an hada, faqala, dans son sharh, qawluhu inna allaha ya'muruka an takhruja min dhuriyatik ba'athan ila an-nar, wa lam yakul inni amuruk. Vous avez remarqué, Al-Mutakallim, c'est Allah Azza wa Jal. Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit huna, je t'ordonne. Là, il a dit, Allah, il t'ordonne. لماذا قال وهذا من باب الكبرياء والعظمة؟ أي le fait de parler dans la langue arabe, cette formulation elle est connue. Quand واحد يبارle à la troisième personne et c'est lui qui parle, هذا c'est من باب الكبرياء والعظمة. يا الله سبحانه وتعالى c'est المتكبر, c'est العظيم. قال حيث كنع عن نفسه تعالى بكنية الغائب فقال إن الله يأمرك كما يقول الملك لجنوده إن الملك يأمرك بكذا وكذا. alors que ce roi parle lui-même. مثلا un roi il dit le roi il vous ordonne alors que c'est lui qui parle. هذا سمن هذا الباب. donc en langue arabe cette formulation elle est connue. على كل حال المتكلم c'est الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ سعدي رحمه الله ففي هذا الحديث إثبات القول من الله والنداء لآدم وأنه نداء حقيقة بالصوت. تقدم معنا dans les dérous précédents أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله il a cité quelques versets du Coran al-Karim pour montrer أن l'attribut de la parole il est ثابت لله عز وجل. أن الله سبحانه وتعالى يتكلم ويقول وينادي. الكلام c'est la parole, القول كذلك c'est la parole, والنداء c'est الكلام لكن بالصوت مرتفع, c'est à voix haute. فقال الشيخ سعدي رحمه الله تعالى ففي هذا الحديث إثبات القول من الله أي قوله عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل يا آدم. donc الله يقول, donc الله يبعل. قال وأنه نداء حقيقة بالصوت. نعم فينادي بالصوت. فالنداء c'est avec الصوت. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هنا il a démontré أن الصوت c'est من باب التأكيد وإلا فالنداء avec un son. لكن pourquoi Allah عز وجل Ou dans le hadith, c'est cité bisaut, limada li annahu c'est min bab at-tawkid. C'est pour renforcer. Et ça nous montre, c'est un dalil clair, an Allah azza wa jalla yatakallam bisaut. C'est pour ça que Adam il a compris le kalam. C'est pour ça que il comprendra le kalam. C'est pour ça que Moussa il a compris le kalam. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah azza wa jalla lui a parlé, il a compris et il a entendu limada li annahu c'est bisaut. Et on a un dalil clair. قال وهذا من فضل الله لا يشكل على المؤمنين فإن النداء والقول من أنواع الكلام et ça, ça nous montre que c'est un kalam haqiqi. لأن ce kalam, il a été qualifié de قول, de نداء. وكلام الله صفة من صفاته والصفة تتبع الموصوف. هذا سنتنبيه pour montrer أن كلام الله عز وجل c'est pas comme كلام المخلوق. L'être humain, مثلا, S'il n'a pas de langue, il ne peut pas parler. Certains êtres humains, ils sont muets. Bardoum, ils n'arrivent pas à élever la voix. Bardoum, ils perdent la voix. Wahakada. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, yatakallam, et l'attribut de la parole, c'est un attribut parfait et il ressemble en rien à l'attribut du makhlouq, de la créature. Qala wa fiha anna al-qawl wa nida yakun fi yawm al-qiyamah. وهذا من أدلة الأفعال الاختيارية. C'est un rad على المحرفة على الأشاعرة qui ont accepté l'attribut de la parole كما تقدم لكن ils n'ont pas accepté على طريقة السلف بل هم ils disent أن الله سبحانه وتعالى يتكلم c'est un كلام نفسي et il a toujours eu cet attribut et cet attribut il n'est pas lié à المشيئة et Allah سبحانه وتعالى il a toujours parlé لكن il ne peut pas parler mathalan maintenant au yawm al-qiyam. Là, c'est un attribut qu'il a toujours. Donc, ce n'est pas avec des lettres, ce n'est pas avec un son. Donc, on peut se poser la question, enfin, Adam, qu'est-ce qu'il a entendu? Le Moussa, alayhi sallallahu alayhi, qu'est-ce qu'il a entendu? Eux, ils disent que Allah, subhanahu wa ta'ala, il a créé une chose et ils ont entendu cette créature. Et cette créature, elle a montré la parole d'Allah, azza wa jalla. Donc, ils ont accepté une partie, ils ont rejeté l'autre. أما أهل السنة يقولون أن الكلام صفة que الله il a toujours eu ذاتية parce que c'est un attribut parfait الله il a toujours eu ses attributs parfaits et نوع الكلام أي أن الله عز وجل il a parlé à Moussa عليه الصلاة والسلام il a parlé à Adam il parlera à chacun de nous يوم القيامة ça c'est une صفة فعلية c'est pour ça que الشيخ سعدي قال وهذا من أدلة الأفعال الاختيارية أي الله يبارل quand il veut à qui il veut comme il veut et on détaillera et on a déjà parlé de هذه الصفة dans les دروس précédents et les détails أكثر إن شاء الله تعالى dans le chapitre que l'imam Nutaymiya رحمه الله il a cité dans ce kitab الواسطية un chapitre sur الكلام أما هنا c'est مجرد ذكر الدليل des أدلة من القرآن des أدلة من السنة ثم quelques détails et surtout la réfutation des égarés fi hadha al-bab. Et ça, c'est un tartib tayyib. Et là, vous devez t'entabir, akhi al-karim, et t'estavid min kalam ahli al-ilm. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, awwalan, il a cité des versets du Coran. Ça te montre que tu dois donner de l'importance au Coran, que ça soit dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ou autre. Donc, awwalan, tu dois connaître ad-dalil. C'est pour ça que apprendre al-wasitiyya par cœur, c'est mufid jiddan. Apprendre ad-dalil. Et tu dois comprendre de ce dalil al-shahid. Ba'd al-ulama, madalan fil wasitiyya, ils détaillent, ils expliquent le verset, même la partie du verset qui n'est pas en lien avec l'attribut. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, matalan, il a cette tariqa dans son shorh. Il explique tout le verset. C'est pour ça que dans son shorh, il y a des fawa'id fil fiqh, il y a des fawa'id dans al-hadith, dans la langue arabe, etc. Certains savants, comme Cheikh Sa'di en général dans son shorh, ou Mukhtasaran, ou Cheikh Al-Harras ou d'autres, y'a'tanoun faqad bi al-shahid. Et à notre niveau, c'est nafi' hada. Hatta tu ne détailles pas trop et Robama, ça te cause des problèmes de compréhension. C'est un livre de Aqida, on se concentre sur l'Aqida au départ. Thumma des hadiths du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on étudie aujourd'hui, wallahi alhamd, on a étudié quelques hadiths. Fahada nafs al-shay. tu te concentres sur al-shahid et tu apprends le hadith. Thumma, Cheikh l'Islam le Taymiyyah, rahimahullah, il va détailler quelques attributs. Sifatul kalam, l'attribut de la parole. Sifat al-ulu ou al-istiwa. Sifatul ma'iyya. Il va détailler, khasatan ces attributs, les ma'ala, les anna, il y a beaucoup de adilla, et Ahlul Bida, ils ont beaucoup d'égarements dans ces attributs. Donc, hakada, tu étudies. Dalil min al-Qur'an, dalil min al-Sunnah, thumma, taqra, ou tadrus kalam Ahlul Ilm. Wa hada bit tadarruj. C'est pour ça que dans l'Iqtisad, on n'a pas beaucoup détaillé. Thumma al-Qa'id Moutla, c'était des règles. Thumma al-Wastiya, on essaye de détailler un peu plus, citer des choses qu'on n'a pas citées. Khasatan les réfutations contre les égarés. Thumma vi al-Tahawiya ou vi al-Tadmouriya. Fahuna al-Talib, il détaille encore plus. Hakada, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, al-Talib, s'il est sérieux, il est motivé, il aura appris le matn. أي مثلا الواسطية أو الطحاوية أو نطخ متن المهم un متن مختصر المتن c'est une petite رسالة comme الواسطية un livret il apprend par cœur ثم هكذا يتدرج petit à petit حتى au bout de quelques mois au bout de quelques années il aura compris cette matière عظيمة ثم il pourra lire certains livres où العلماء ils ont beaucoup détaillé كتب الإمام ابن القيم رحمه الله كتب الإمام ابن تيمية bien sûr عليه رحمة الله فتوسع tu pourras lire ces livres لماذا لأن tu auras ces bases tu auras compris tu auras des bases dans les noms et les attributs d'Allah عز وجل tu auras des bases dans les adillah tu auras appris par cœur et tu auras compris la plupart des preuves كذلك tu auras étudié les réfutations contre certains groupes en résumé مثلا dans le Wastiya comme on fait en ce moment ou un peu plus en détail, comme dans Sharh Tahawiyah, dans Tadmouriyah, etc. Thumma, dans les livres d'Ibn al-Qayyim et d'Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, c'est tawassa'oun jiddan hum. Tawassa'ou plutôt jiddan. Ils ont détaillé kathiran. Si tu lis, matalan, al-sa'iq al-mursala de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, tawassa'a jiddan. Yarad alayhim, ahyanan, une sifa, matalan, l'attribut des mains, ou des yeux, ou al-rahma, il cite ahyanan rahmatullah alayhi pour réfuter contre le muharrifa ou le mu'attila ahyanan il cite 20 points 30 points 40 points rahmatullah alayhi vous avez remarqué que nous quand on lit kalam sur al-Uthaymeen rahmatullah alayhi en général il y a 1 2 3 points 4 points pour réfuter l'imam al-Uthaymeen wa son élève kadhalik ibn al-Qayyim tawassa'u jiddan thumma kadhalik tu pourras étudier les livres des salaf et les comprendre que ce soit les livres de l'imam al-Darimi ou Ibn Khuzayma, ou l'imam Nubatta, ou l'imam Al-Ajurri, ha'oula Al-A'imma, ils ont écrit des livres, ils ont cité les paroles des salafs, etc. Alhamdulillah, tu arriveras à comprendre. Hadi, c'est une nasiha pour At-Tadarruj, c'est très très important. Donc, mas'alat al-kalam, huna, l'essentiel, c'est de comprendre Al-Dalil, Al-Hadith, et Alhamdulillah, on a détaillé précédemment, et on essaiera encore de détailler plus tard. Qala wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam. On revient au matn, kalam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, ma minkum min ahadin, illa wa sayukallimuhu rabbuhu, laysa baynahu wa baynahu turjuman. Et on a un khata dans cette nuskha, dans ce livre que j'ai, ils ont mis une fatha sur le mot rabb. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. Et c'est très très important de mettre une dhamma. لماذا؟ لأن لفظ ربه هنا c'est الفاعل en langue arabe. Et c'est le sujet. سيكلمه سيكلم c'est le فعل. أي الرب il parlera. Donc si tu mets une fatha comme dans le livre que j'ai ana c'est une grave erreur et là chaque anahada c'est pas Cheikh Saadi qui a mis cette fatha ça c'est une erreur d'imprimerie donc c'est bien rabbu laysa baynahu wa baynahu turjuman qala rahimahullah wa hadha aydan ithbat li taklimihi li jami' al ibad bila wasita wa taklimihi li ibadihi naw'an. Non. Fa Allah subhanahu wa ta'ala سيكلم جميع الناس ما منكم من أحد أي chacun de vous الله سبحانه وتعالى il lui parlera. Et dans ce hadith, il y a une précision. Al hadith, on n'a pas précisé, il est dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Laysa baynahu wa baynahu turjuman. Al-turjuman, c'est al-wasita. C'est al-wasita qui explique le kalam. Mathalan, un kalam qui est ghayr mafhoum. Et wahid, il te le traduit. Tu ne peux pas comprendre le kalam directement. Même si quelqu'un te parle, tu as besoin d'un autre qui te montre, qui t'explique. Fayyoum al-qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il parlera à tous les êtres humains. Sans tourjuman. Pas besoin de traducteur, pas besoin de quelqu'un qui explique. Tout le monde comprendra. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il parlera à tout le monde directement. فَلِهَذَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَتَكْلِيمِهِ لِعِبَادِهِ نَوْعَانِ أي من حيث الواسطة. أي Allah subhanahu wa ta'ala, à certains, il a parlé directement. Et à d'autres, avec un intermédiaire. قَالَ نَوْعُن بِلَا وَاسِطَة. Ça, c'est la première catégorie. كَمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ. أي ce hadith qu'on vient de lire. Et tous les êtres humains, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur parlera sans voir. C'est un voir, c'est un intermédiaire. قَالَ وَتَكْلِيمٌ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ تَكْلِيمَ مَحَبَّةٍ وَرِضْوَانٌ وَإِحْسَانٌ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parlera à أهل الجنة, c'est تَكْلِيمَ مَحَبَّةٌ وَإِحْسَانٌ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur parle, لماذا? لِأَنَّهُ إِلِّزَّمْ رَضِيَ عَنْهُمْ. قال وأما في الحديث فإنه تكليم محاسبة. نعم لماذا؟ لأن سانغلوب ميم الكفار. الله سبحانه وتعالى سيل لوغ بارلوغا أي تكليم محاسبة أي سي بور لي جوجي سي بور لي كونت اسكو تو فات تيل شوز بوركوا تو فات تيل شوز إلى آخر. قال ويكون مع البر والفاجر. سانغلوب المؤمن والكافر. وأما قوله تعالى ولا يكلمهم الله فالمنفي كلام خاص وهو الكلام الذي يسر المتكلم. نعم. Donc il y a pas de contradiction entre قوله ولا يكلمهم الله أي الله سبحانه وتعالى il leur parlera pas أي au kufa et قوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه أي chacun de vous Allah il leur parlera. Si tu as compris ce tafsil de Cheikh Saadi rahimahullah, il n'y a aucune contradiction. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne leur parlera pas ay, un kalam kama taqaddam ma'ana kalam mahabba wa ridwan wa ihsan, ay, parce qu'il les aime, parce qu'il est satisfait d'eux, ila akhir illa. Amma le fait qu'il leur parle à tous, ay, kalam kama qala huna muhasaba. Ay, Allah subhanahu wa ta'ala, il parlera à chacun de nous, ay, même les kuffar, ay, min bab al-muhasaba, ay, pour les comptes. Donc, il n'y a aucune contradiction. قال فالمنفي كلام خاص وهو الكلام الذي يسر المتكلم. يسر c'est le fait d'être heureux. فالمؤمنون quand Allah سبحانه وتعالى leur parlera ils seront heureux. Ça c'est que pour les croyants. أما الكفار فلا. Si Allah سبحانه وتعالى leur parle c'est pas ils seront pas heureux. لا c'est من باب المحاسبة c'est pour les comptes. قال ونوع بواسطة. Deuxième catégorie أن الله سبحانه وتعالى أحيانا يتكلم بواسطة أي il parle à un être humain لكن avec un intermédiaire أي il ne parle pas directement. قال وهو كلامه تعالى لرسله من الملائكة بأمره ونواهيه وأخباره لأنبيائه ورسله من البشر. نعم مثلا الله سبحانه وتعالى il a révélé le Coran c'est كلامه عز وجل c'est sa parole il a révélé au prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم avec l'intermédiaire de Jibril. وهكذا les autres prophètes ils ont reçu la révélation avec l'intermédiaire de Jibril عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال نثبت أن الله عز وجل يتكلم. Beaucoup de adilla min al-Qur'an, beaucoup de adilla min al-Sunnah, ولله الحمد. Et les détails كما تقدم إن شاء الله dans les prochains cours. ثم قال وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله. نعم ربنا بفتح الباء. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا. نعم أما قوله ذنوبنا Dans les autres nusakh, c'est Hubana. Naam. Et c'est ça, As-Sahih. Fala'alla, Cheikh Sa'di, rahimahullah, il a cité Al-Hadith bil-ma'na. Wa illa, dans les Ahadith, naam. Hubana. Dans Sharh Cheikh Ibn Uthaymeen et d'autres. Wal-Hub, bi-Azam il-Ha, c'est Al-Ithm. C'est le péché. Donc, dhunubana wa hubana, c'est le même sens. Lakin, Cheikh Ibn Uthaymeen l'a précisé, al-hub, c'est kaba'ir al-ithm, c'est les grands péchés. Wal-khataya, c'est les petits péchés. Et quand ils sont cités les deux dans un texte. Mathalan, huna, qala, alayhi salatu salam, dans ce hadith, ça y a t'imanan, al-hadith, il est daif. Lakin, on cite, hadhi al-fa'ida, qawluhu, igfir lana, Hubana wa khatayana, al-hub c'est les grands péchés, al-khataya c'est les petits péchés. Et quand ils sont cités les deux dans un texte. Amma quand ils sont cités, ils ne sont pas cités les deux dans un texte, enfin, al-hub c'est les grands péchés, les petits péchés, al-khataya c'est les grands et les petits péchés. Aïe, tous les péchés. Qala anta rabbu at-tayyibin, anzil rahmatan min rahmatika, wa hfadna min, naam, wa shifa'an, naam. نعم نعيد أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ أي يبرأ هذا المريض قال حديث حسن رواه أبو داود دوك الإمام ابن تيمية رحمه الله إلى rendu حسن ce hadith c'est pour ça qu'il l'a cité dans الواسطية والحديث il est ضعيف في سنده زيادة certains disent زياد Ibn Muhammad al-Ansari, wa huwa munkar al-hadith. Donc, Ziyada ou Ziyad, il est munkar al-hadith. Et munkar al-hadith, c'est vraiment, il est vraiment va'if. Le va'if, il est élevé. Et c'est pas un va'if qui est petit là, c'est un va'if qui est très très élevé. Kama qala al-Bukhari rahimahullah wa ghayruhu. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah, il a démontré que le hadith, il était vaïf. Pourquoi? Il y a ce rapporteur qui est munkar. Naam. Et ce hadith, il a des autres chaînes de transmission. Lakin, toutes les chaînes de transmission, elles sont vaïf. Naam. Et Cheikh l'Albani, rahimahullah, il l'a cité fi al-Dhaïfa, numéro 2589. Donc, ce hadith, il est vaïf. Et al-Shahid min, pourquoi il l'a cité? Qawluhu ربنا الذي في السماء اي la cité des hadith pour montrer en Allah azza wa jall il est au-dessus des cieux il est au-dessus de la créature قال وقوله الا تامنوني وانا امين من في السماء قال حديث صحيح نعم اما هذا اللي كما في الحاشيه اللي في الصحيحين وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه حديث صحيح رواه أبو داود وغيره هذا العلماء اختلفوا ce hadith أي est-ce que c'est la parole du prophète عليه الصلاة والسلام ou c'est la parole d'un compagnon et الصحيح c'est que الحديث il est ضعيف مرفوعا أي c'est pas la parole du prophète عليه الصلاة والسلام أي quand on dit c'est pas la parole du prophète عليه الصلاة والسلام أي المرفوع أي le hadith ou où c'est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wal arsh fawqa as-sama etc هذا c'est ضعيف لكن الحديث il est sahih عن ابن مسعود موقوفا اي c'est la parole authentique c'est de ibn mas'ud رضي الله عنه والعلماء قالوا ان الحديث له حكم الرفع الحديث له حكم الرفع لماذا لان ابن مسعود رضي الله عنه si il a dit cette parole c'est qu'il a entendu عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث il a حكم الرفع اي c'est comme si c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit بل لا شك ان ابن مسعود رضي الله عنه il peut pas dire une chose min ilm al-ghayb لان ابن مسعود il connaissait pas l'invisible رضي الله عنه لا شك انه استفاد من النبي عليه الصلاه والسلام على كل حال الحديث il est صحيح موقوفا وله حكم الرفع الشيخ الالباني رحمه الله عليه الا صحح dans مختصر العلو مختصر العلو de l'imam Al-Albani rahmatullah alayhi. وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. نعم الحديث هذا ليس صحيح. Donc c'est أدلة. الإمام ابن تيمية رحمه الله les a cité pour montrer أن الله عز وجل il est au-dessus des cieux, au-dessus de la créature. Et on a étudié ensemble, wallahi alhamd, des adillah au début de ces cours sur al-ulu. قال فهذه نصوص وغيرها قال فهذه النصوص وغيرها المصرحة بأنه تعالى في السماء حق تعالى نعم حق على حقيقتها كما تقدم أن الله عز وجل tous les attributs qu'il a cités في القرآن أو que le prophète عليه الصلاة والسلام il a cité c'est des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas besoin de faire كما فعل المحرفة du ta'wil, ce qu'ils appellent le ta'wil alors que c'est du tahrif. قال وفي تكون بمعنى على كما قاله كثير من أهل العلم واللغة أي قوله في السماء dans ces أحاديث et كذلك dans le Coran أأمنتم من في السماء c'est بمعنى على كما قال أهل العلم أي en langue arabe في يأتي بمعنى على أي sur الله سبحانه وتعالى il est dans les cieux أي il est au-dessus des cieux. Donc, في en langue arabe, يأتي بمعنى على أي sur أو au-dessus. قال كما قاله كثير من أهل العلم واللغة ولقد وردت في مواضع كثيرة على هذا نعم on répète وقد وردت في مواضع كثيرة على هذا النحو قال الله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل في جذوع النخل أي على et on avait cité هذا dans les cours précédents ولأصلبنكم في جذوع النخل أي فرعون quand il a prétendu أنه il va les crucifier أي ceux qui avaient fait de la sorcellerie ثم ils se sont repentis il a promis أنه il va les crucifier في جذوع النخل نعم أي sur les troncs d'arbres sur les troncs d'arbres أما في si tu dis dans ça veut dire il va les crucifier dans les troncs d'arbres voilà. C'est clair que ce n'est pas le sens هنا. قال أي عليها وقال طائفة من أهل العلم أن معنى في السماء أي في جهة العلو وعلى الوجهين فهي نص في علو الله على خلقه. Dans tous les cas, نعم, c'est بمعنى العلو. بعض العلماء ils ont dit في السماء أي في جهة العلو. Et on avait détaillé هذا dans les cours précédents ولله الحمد. أنزل من السماء ماء لا شك أن la pluie elle descend من جهة العلو pas directement du ciel là la pluie elle descend des nuages تقدم معنا قول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه ففي السماء أي السماء يأتي بمعنى العلو donc tu as في السماء أي على السماء أي au-dessus des cieux أو في السماء أي السماء العلو أي la direction du علو العلو c'est au-dessus donc ولله الحمد cet avis ou l'autre فالحمد لله ça montre que Allah il est au-dessus فلهذا قال الشيخ سعدي وعلى الوجهين فهي نص في علو الله على خلقه قال وفي حديث الرقية المذكور توسل إلى الله بالثناء عليه بربوبيته وألوهيته وقدوسيته وعلوه وعموم أمره الشرع وأمره القدر هذا سيبقى وحديث وتقدم معنا أنه إلي ضعيف أي قوله ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك وتقدس اسمك أمرك في السماء والأرض إلى آخره توسع من باب التوسل كما قال الشيخ سعدي فنقرأ قال فإن الله له الأمر القدري الذي ينشأ عنه جميع الموجودات والحوادث والتدابير القدرية كقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وله الأمر الشرعي المتضمن الشرائع التي شرعها لعباده على ألسنة رسله. قال فتوسل إلى الله بذلك، ثم توسل إليه برحمته التي شملت أهل السماوات كلهم أن يجعلها لأهل الأرض نصيبا وافرا منها، ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحوب. نعم الحوب، فنعم هنا الشيخ سعدي إلى بيان سيتي الحوب حوبنا. Donc ça nous montre أن dans le متن dans ce شرح كنا ذنوبنا لعله c'est une erreur. قال والحوب هو الذنب العظيم والخطايا وما دونها، ثم بربوبيته الخاصة للطيبين وهم الأنبياء وأتبعهم الذين غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. قال فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله لا يكاد يرد دعاء من توسل بها، فلهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله ولا فيه تعلق بغير الله. التوسل بأسماء الله عز وجل وبصفاته c'est une cause parmi les causes pour que دعاء المؤمن quand le مؤمن il invoque son دعاء il soit exaucé. فأفضل المنن ال كانه المولى، هذه الكلمة اللي بقى كلير. قال لا سعي للمخلوق فيها الذي لا يدع مرضا إلا أزاله. قال وفي شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان للجارية التي اعترف بعلو الله ورسالة رسوله صلى الله عليه وسلم دليل على أن من أعظم أوصاف البارية الاعتراف بعلوه على خلقه ومباينته لهم. نعم. Donc هذا c'est un délit واضح أن الله سبحانه وتعالى il est في السماء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a demandé à هذه الجارية أين الله؟ Où est Allah؟ Ça nous montre أن هذا السؤال يا أكمل. بل النبي صلى الله عليه وسلم il a posé cette question. Et tu trouves بعض المنحرفين يقولون أنه لا يجوز de dire أين الله. لماذا؟ لأن هؤلاء ils ont rejeté هذا الحديث. Alors que le hadith il est في صحيح مسلم. Il est صحيح. فقال الشيخ السعدي رحمه الله وفي شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان للجارية التي اعترفت بعلو الله ورسالة رسوله صلى الله عليه وسلم دليل على أن من أعظم أوصاف البارية الاعتراف بعلوه على خلقه ومباينته لهم. نعم العلو سيك الله إلي ودوسو، المباينة سيك الله سبحانه وتعالى إلي با دون لا كرياتور، إلي با ميلانجي على كرياتور. الله سبحانه وتعالى سي العظيم الكبير. قال وأن من أنكر علو الله المطلق من كل وجه فقد حرم هذا الإيمان. C'est grave. Celui qui rejette أن الله سبحانه وتعالى il est au-dessus et prétend أن الله سبحانه وتعالى il est partout. هذا لا شك أنه il est على خطر عظيم. وقوله والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، فيه الجمع بين الإيمان بعلوه على عرشه وفوق مخلوقاته وبإحاطة علمه بالموجودات كلها. نعم الله سبحانه وتعالى إليه فوق العرش، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. سنموت خلنا الله سبحانه وتعالى إليه au-dessus du عرش. قوله وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه. دونك أهل السنة يثبتون العلو أن الله سبحانه وتعالى إليه au-dessus ويثبتون كذلك المعية، أي أن الله سبحانه وتعالى إلى معنا أي بعلمه. قال وقد جمع الله بين الأمرين في عدة مواضع من كتابه. إيه هذا c'est un chapitre que l'imam Al-Taymi رحمه الله il a cité à part et qu'on étudiera ensemble prochainement. أي العلو والمعية، أن الله عز وجل est au-dessus et il est معنا et il est avec nous. Il est au-dessus أي au-dessus des créatures et il est ma'ana ay avec al-ilm ay annahu il sait tout subhanahu wa ta'ala. نعم ونكتفي بهذا. نعم دوكون بوغ اجوردي اون ساريت ايسي والحمد لله.